En Corée du Sud, les formations civiles dont les gens pour la paix et la réunification, le comité de mesures d'urgence pour la protection du lieu sacré Songju du bouddhisme Won, l'action civile de Pyeongtaek contre le SAD et le bacille du charbon, ont tenu le 28 mars le 179e meeting pour la paix et le désarmement devant le siège du ministère de la Défense. Elles ont réclamé l'arrêt de la disposition de SAD en cours de façon illégale par les États-Unis et les autorités sud-coréennes sans aucune procédure ni fondement légaux.